make it clear. Original bad daddy, big red on the mic MC. Mrs. Lady Thomas Company. They say road boy, et qu'on s'approuve. No boy, boy, boy, boy, et c'est fait des croix. Tell ya la. Boulevard, j'allais sous vivre ce qui est patron, mais ça il faut le savoir.